Deuxième partie. Dans la chambre des Delon. Je ne trouve pas mon bracelet. Tu as encore perdu quelque chose? Oh, le voilà, dans la corbeille à papier. Je comprends. Je l'ai enlevé parce qu'il me gênait. Je l'ai posé au bord de la table et il est tombé dans la corbeille à papier. Tu veux m'aider à le mettre? La fermeture n'est pas pratique. Oui, mais ne bouge pas. Tiens ton bras droit. Mais je le tiens droit. À quoi sert cette petite chaîne? Comment? Cette petite chaîne, c'est pour quoi faire? C'est une chaînette de sûreté. Je ne vois pas bien clair. Je n'ai pas mes lunettes. Je ne comprends pas à quoi sert ce petit crochet. Ah, pardon. Ça y est. Parfait. Merci. J'espère que ça va tenir. Oui, ça tient.